Nous verrons. De vrai, nous verrons. Monsieur, quel diable de style prenez-vous là? Ceci est bien pis que le reste, et je vous aimerais bien mieux encore comme vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut, mais c'est maintenant que j'en désespère. Et je crois que le ciel qui vous a souffert jusqu'ici ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur. Va, le ciel n'est pas si exact que tu penses. Et si toutes les fois que les hommes... Ah, monsieur! C'est le ciel qui vous parle, et c'est un avis qu'il vous donne. Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement s'il veut que je l'entende.